Chapitre 56e. Une réussite à la saveur de miel. En revanche, ce que ne pouvait savoir Saïd Boucharif, c'est combien ses paroles coulaient comme du miel aux oreilles de Hocine. Bien sûr, il ne pourrait jamais avouer à son oncle qu'il avait bien savonné la planche de Malik, mais ce n'était pas grave. Il avait été au bout de sa vengeance, c'est tout ce qui comptait à ses yeux. Comme prévu, la mort inexpliquée de Marion Chardy avait achevé de déstabiliser son cousin et la grosse connerie s'était produite. Pour Hocine Mani, ce n'était que justice. Malik Boucharif ne nuirait plus à personne. Il passerait ses journées à essayer de comprendre comment il en était arrivé là. Il l'imaginait se torturant, jour après jour, heure après heure, cherchant désespérément où il avait commis une faute, et naturellement ne trouvant rien. Si Hocine Mani n'était pas fier d'avoir dû éliminer une innocente pour arriver à ses fins, il ne trouvait rien à redire sur le modus operandi. C'était un succès sur toute la ligne, et il était heureux d'être parvenu à conserver son sang-froid tout au long de l'opération. Cet acte odieux lui avait permis de devenir un homme, et il aimait celui qu'il était devenu ce jour-là. À présent, il osait user d'autorité, il n'avait plus peur, il pouvait enfin s'épanouir au grand jour. Le premier à faire les frais de son profond changement fut le docteur El Hassim, qui apprit à ses dépens qu'il n'avait pas recruté une petite main qu'il pouvait traiter selon sa fantaisie. Hocine Mani était un collaborateur compétent qu'il fallait manier avec ménagement. Dans le milieu, malgré son arrivée récente, il avait déjà une très bonne réputation. Il était surnommé le Français, sans dérision aucune. Hocine Mani apprenait vite le droit de la famille, c'était en fait plus de la révision qu'autre chose, et il avait déjà plaidé dans deux ou trois affaires où il avait fait grande impression. Il était déjà courtisé par deux ou trois très gros cabinets, mais pour l'instant il préférait se tenir à son premier choix, car il sentait de plus grosses opportunités d'évolution. Chaque jour le confortait dans sa décision. Il avait bien fait de revenir. Il était un enfant de ce pays-ci, pas un autre. Il en aimait tous les aspects et ne se sentait plus orphelin. Son cœur avait enfin cessé de saigner. Bien sûr, les mois passant, il découvrait de grands manques, mais peu lui importait. L'Algérie ne serait jamais la France, et c'était très bien ainsi. Contrairement à ce qu'il avait craint, la vie n'était pas plus dure, elle était simplement différente, beaucoup moins futile. Elle lui convenait parfaitement, il était heureux d'avoir enfin posé ses valises. Il sentait ce pays plein de promesses. Il savait qu'il n'y avait pas de retour possible, et il était heureux d'avoir fermé cette porte de lui-même. Ainsi, il n'avait pas à se poser de questions, il devait aller de l'avant. Désormais, il s'y efforçait chaque jour, persuadé que le meilleur était encore à venir. Dutilleul était profondément démoralisé. Alger, conformément à la législation en vigueur, venait de refuser une nouvelle fois l'extradition de Hocine Mani, en rappelant par la même occasion que Paris n'avait pas à se mêler du sort de ses nationaux. Hocine Mani était un avocat à l'avenir plein de promesses, qui faisait honneur à son pays, et Alger ne voulait rien entendre des charges retenues contre lui. Du coup, Dutilleul préféra se replonger dans les lettres de Marieke van Gunberg. Pointe Noire, Congo-Brazza, avril 1973. Ma chère Lotte, ça y est, c'est fait. Je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Tout s'est très bien passé. Le chirurgien a fait le travail convenablement. Je n'ai pas eu de complications et physiquement, je n'ai pas trop souffert. Moralement, c'est plus dur que je ne le pensais. Je pleure sans raison. Je me sens mutilée, incomplète. Je sais que je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, mais c'est ainsi. Le contre-coup est bien plus terrible que prévu. Heureusement pour moi, du moins si l'on peut dire, grand-mère est morte dans l'intervalle, ce qui permet à Armand de penser que mon état présent est dû à ce décès, ce qui n'est pas faux bien sûr car je suis dévastée. Je savais que grand-mère était très fatiguée, mais j'étais loin de me douter qu'elle allait nous quitter si vite. Ce qui m'ennuie le plus, c'est que je devrais rentrer aux Pays-Bas un jour ou l'autre. Bien qu'Armand ait promis de m'accompagner, je ne me sens pas tranquille pour autant. Enfin, la seule chose qui me réconforte vraiment, c'est de savoir que l'on prend bien soin de mon petit ange. Surtout, continue à me donner régulièrement de ses nouvelles, car c'est ce qui me tient debout. Pointe Noire, Congo-Brazza, septembre 1973. Ma chère Lotte, hélas, la chose semble se confirmer de jour en jour. Je vais bien devoir aller passer quelques jours aux Pays-Bas. Tu penses bien que j'aurais aimé faire un crochet par Paris pour t'embrasser et te remercier de tout ce que tu fais, mais comme Armand ne comprendrait pas, je préfère m'abstenir. C'est ça, d'avoir épousé un provincial. Remarque, je ne regrette rien. On prétend que le mariage change radicalement certains hommes, pas lui. Il est doux et prévenant, bien qu'un peu trop sérieux à mon avis. Il ne cesse de m'encourager et de m'approuver dans tout ce que j'entreprends. Ainsi, il est content que je me rende au dispensaire 3 fois par semaine. Il dit que cela me change les idées. Ce qui est vrai. Plus je découvre Miranda, plus je la trouve formidable. Je crois que tu l'adorerais. Elle a ton énergie et ton autorité. Parfois, à son contact, j'ai l'impression de revenir des années en arrière, quand nous travaillions ensemble, toi et moi, quand Olaf n'avait pas encore saccagé ma vie et celle de Marie par son égoïsme. Je sais que j'ai eu des mises en garde de toutes parts. Tu n'as pas manqué de fermeté. Mais que veux-tu, quand la raison ne veut rien entendre? Comment ai-je pu m'illusionner un instant sur le fait qu'il allait être différent avec moi? Je me souviens encore du jour où je lui appris que j'étais enceinte. Si tu savais le mépris que j'ai lu sur son visage, je n'ai vraiment compris qu'à cet instant que je n'étais qu'une autre de ses passades. Ah, comme j'ai pu soudain le haïr, le beau Suédois! Le summum a été atteint quand il m'a dit que je devais me débrouiller toute seule, qu'il ne pouvait me prêter le moindre argent car son épouse veillait sévèrement au grain. C'est là, qu'en désespoir de cause, je me suis tourné vers toi et que je t'ai tout raconté. J'avais tant besoin d'une épaule, d'un soutien. Heureusement que tu as su te montrer à la hauteur et que tu l'es toujours. Dans le secret de mon cœur, tu es mon gouvernail, celle qui me permet de penser que ma vie n'est pas totalement vide et que j'aurai au moins réussi quelque chose. Dieu bénisse Marie. Je souffre toujours 1000 morts de la savoir loin de moi, de ne pas la voir grandir. Heureusement, ce qui me réconforte un peu, c'est de savoir qu'elle est entre de très bonnes mains. Celle-ci s'en occupe certainement beaucoup mieux que je n'aurais su le faire. Parfois, quand je me réveille en pleine nuit, je me demande quelle mère j'aurais fait. J'ai si peu connu la mienne, et les souvenirs que je n'en ai ne sont pas des plus plaisants. Pointe-Noire, Congo-Brazza, avril 1974. Ma chère Lotte, comme je te l'annonçais dans ma dernière lettre, j'ai fini par me rendre aux Pays-Bas et autant te dire tout de suite que ce fut assez pénible de me retrouver en face de mon géniteur. Il n'avait pas changé d'un iota. Certes, le cheveu est à présent bien blanc et le ventre plus proéminent que jamais, mais le regard est toujours aussi dur. Il m'a littéralement agressé dès la sortie de l'aéroport en me traitant de mauvaise fille et de choses bien pires encore. Cependant, cette fois, je n'ai pas eu peur, car mon cher Armand a fait barrage de son corps. Il a beau ne pas parler un mot de néerlandais, je crois qu'il n'en a pas moins compris la teneur générale du propos. Mon géniteur a perdu tout contrôle quand je l'ai informé que je comptais séjourner dans la maison de grand-mère, qui est à présent la mienne, et que je n'avais nulle intention d'aller à la brasserie. Tu peux dès lors imaginer que nous nous sommes quittés très froidement. Le lendemain, j'avais rendez-vous chez le notaire pour la lecture du testament. À ma plus grande stupeur, grand-mère me laisse tout, c'est-à-dire, outre sa belle maison de Lidecken, un portefeuille d'actions judicieusement placé et tout son argent liquide. À mon père, elle laisse la brasserie, et juste de quoi payer les factures les plus urgentes. Il y avait également un petit legs à ma mère, qui était soumis à ma seule approbation. J'ai naturellement entériné la chose. Je suis contente que grand-mère ait pensé à maman dans ces derniers instants. La somme laissée compensera un tout petit peu sa dot irrémédiablement engloutie. Tu peux l'imaginer, mon géniteur n'a cessé de tempêter contre les dispositions testamentaires de grand-mère. Il a commencé par en contester la validité, mais là il est tombé sur un os car visiblement grand-mère avait anticipé. Elle avait pris la précaution de rédiger son testament devant 5 témoins, dont un médecin, qui ont tous pu certifier que grand-mère était en pleine possession de ses facultés quand elle l'a rédigé. Cependant, ne va pas croire que mon père s'avoue vaincu pour autant. À présent, il met en doute ma compétence à gérer une telle fortune. Pour conforter ses arguments, il s'est appuyé sur l'alcoolisme chronique de ma mère. Selon lui, de par mon instabilité, je fais courir un risque aux intérêts de la famille ou plutôt aux siens. Heureusement, là non plus, il n'a guère rencontré de succès car sa gestion calamiteuse de la brasserie est connue de tous. Pour plus de sécurité, ma grand-mère a remis à son avocat un cahier renfermant toutes les sommes que ce rejeton lui a extorquées, année après année, ainsi que ses vagues promesses de retour à l'équilibre. Tu découvres également qu'il me considérait à l'égal d'une marchandise, tout juste bonne à servir ses intérêts le moment venu. Je comprends à présent pourquoi grand-mère approuvait tant ma fuite. Elle savait ce qui m'attendait, elle. Avec tout cela, je n'ai guère eu le temps de penser à mon petit cœur. Je me sens si coupable de tant me reposer sur toi. Quand je pense qu'elle va rentrer en 6e en septembre prochain, je ne sais même pas ce qu'elle aime, à part le sport. C'est dur de faire avec un tel vide en soi. Chaque fois que je vois un dessin d'enfant, je pleure, c'est plus fort que moi. Pointe-Noire, Congo-Brazza, décembre 1974. Ma chère Lotte, je suis heureuse de voir que la rentrée s'est bien passée, comme le temps file. Il me semble que c'était hier que je parlais à Marie pour la dernière fois. J'ignore encore comment je suis parvenue à conserver une voix naturelle, alors que je m'apprêtais à commettre la pire des horreurs. Elle était dans son lit, son précieux Teddy serré à côté d'elle. Pleine de confiance, elle m'a tendu sa joue. Le baiser que j'ai déposé manquait tellement de chaleur. Pourquoi me suis-je montré incapable d'être une bonne mère, d'assumer mes responsabilités? L'âge n'excuse pas tout. Je ne trouve aucune justification à mon acte. J'ai le sentiment d'avoir raté tant de choses. Ne pas voir grandir le petit être que l'on a mis au monde est la pire des tortures. Je sais que je mérite pleinement cette punition, mais la douleur n'en est pas moins intolérable. Tu es si bonne de m'écrire. Chaque lettre me porte cette bouffée d'oxygène sans laquelle je ne pourrais vivre. Continue à veiller sur elle de loin comme tu le fais si bien. Je ne mérite pas une amie telle que toi. J'espère pouvoir un jour te rendre tes bienfaits. Tu ne m'as jamais jugé, jamais abandonné, alors que mon géniteur n'aurait pas hésité à le faire s'il avait été au courant. À propos, figure-toi qu'il a découvert, je ne sais comment, que je vis en Afrique, et il compte bien me rendre visite un de ces quatre matins. Armand me dit de ne pas paniquer, qu'il sera là pour le recevoir comme il convient, tout de même. La nouvelle n'a rien de réjouissant. Je donnerais cher pour savoir qui a vendu la mèche. Armand pense que ce ne peut être que quelqu'un de Pétroleus. Je ne dors plus. Tu comprends, je ne supporte plus qu'il me harcèle. La brasserie est au bord de la faillite, mais à qui la faute? Il ne cesse de taper dans la caisse. C'était déjà le cas lorsque je travaillais pour lui. Pointe-Noire, Congo-Brazza, 31 octobre 1975. Ma chère Lotte, comme je te l'avais laissé entendre dans ma dernière lettre, mon géniteur a bel et bien fini par venir ici. Il a débarqué vendredi matin. Il était sale, pas rasé, et malheureusement, comme d'habitude, il puait l'alcool. Visiblement aussi, la bière ne lui suffit plus. Il est passé à quelque chose de plus fort. Armand pense qu'il s'est mis au gin. En attendant, ses yeux étaient injectés de sang. Tu ne peux imaginer combien j'avais honte. Il a rencontré quelques problèmes à l'aéroport, mais pas suffisants, hélas, pour l'empêcher de débarquer. Toutefois, il a dû s'acquitter d'une lourde amende. Tu auras vu le spectacle. Heureusement que j'avais décidé de rester à la maison. Armand lui a retenu une chambre en ville, chose qu'il a très mal prise. Il m'accusait de ne pas vouloir le recevoir, ce qui était vrai. Pas question qu'il souille par sa présence le foyer que j'ai patiemment construit. J'étais contente et touchée qu'Armand me soutienne sans réserve dans ma résolution. Si j'ai manqué de tendresse à son égard dans le passé, tu peux imaginer comme je le regrette. C'est un homme bien, profondément bon. J'aurais plaisir à vieillir à ses côtés. C'est un merveilleux compagnon, plein de compréhension et de patience. Quant à mon géniteur, j'avais juste accepté du bout des lèvres de le rencontrer en terrain neutre, c'est-à-dire au restaurant. Quelle affreuse soirée! Comme s'il avait pressenti quelque chose, Armand avait réservé une table dans un restaurant de seconde zone, en fait assez éloigné de nos adresses habituelles. Il avait choisi un établissement prétendument français. Décor pas trop mal, mais nourriture quelconque, comme trop souvent, hélas. Faute de mieux, nous n'allions sans doute pas échapper à un plat en sauce bien lourd accompagné de son inévitable riz. Mon géniteur est arrivé à l'heure. Il avait au moins pris la peine de prendre une douche et de se changer. Il s'est présenté avec un monceau de papier tout froissé sous le bras. Avant même de s'asseoir, il a commencé à vituperer contre sa chambre d'hôtel, le personnel qui, soi-disant, n'aurait guère montré de zèle à son endroit. Il s'est montré si grossier que je ne savais plus où me mettre. Naturellement, il me rendait responsable de la situation. Qu'est-ce que je fichais dans ce pays de nègres, alors que je pouvais me montrer utile à la brasserie, ainsi que d'autres gracieusetés de ce genre. Ensuite, il a sorti un pouvoir que je devais absolument signer, mais quand j'ai voulu le lire, mon géniteur m'a assuré que ce n'était pas nécessaire, qu'il s'agissait juste de questions techniques qui me dépassaient complètement. Cependant, comme tout cela ne me paraissait pas bien clair, je me suis entêté ce qui l'a vraiment mis en colère. Il a précipitamment rentré son maudit papier, et les insultes ont fusé de plus belle. C'est là qu'il a commis une erreur fatale. Il a commencé à lever la main. Il n'a pas eu le temps d'achever son geste qu'Armand le mettait knock-out d'une sévère droite. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Armand a bondi tel un fauve. Je l'ai regardé avec une profonde reconnaissance. Nous avons quitté le restaurant sans nous retourner. Armand a tout de même payé le repas, même si nous n'avions rien pris. Ensuite, nous sommes retournés en centre-ville en vélo-taxi. Je ne sais ce qui m'a pris, le trop-plein de tension sans doute. J'ai soudain explosé de rire. Je ne cessais de me repasser dans ma tête le fantastique coup de poing d'Armand. Celui-ci me regardait un peu confus, comme s'il cherchait à s'excuser de ce geste, si peu en harmonie avec sa nature. Je l'ai alors embrassé sur la joue et je me suis serré contre lui. Je lui ai dit qu'il était mon sauveur et que j'aurais tellement aimé le rencontrer beaucoup plus tôt. Nous sommes retournés dans le restaurant où Armand m'a fait sa demande en mariage. Nous nous sommes offerts un somptueux repas et à cette occasion, Armand m'a révélé qu'il avait fait beaucoup de boxe dans sa jeunesse et il participait régulièrement à des championnats régionaux. C'était une merveilleuse conclusion à une soirée qui avait pourtant bien mal débuté. Le lendemain, j'ai laissé un chèque à l'attention de mon géniteur à son hôtel afin de lui permettre de tenir quelques mois tout en l'invitant fermement à ne plus jamais revenir. De toute façon, nous pourrions bientôt quitter Pointe-Noire, mais ça, je t'en reparlerai. Qu'est-ce que tu lis, mon tilleul? Les lettres d'une ancienne maîtresse? Absolument pas. Tu pourrais, tu sais, je ne suis pas jalouse et je sais si peu de choses de toi. Cela te dérange? Même pas. On a tous nos valises, mon tilleul. N'empêche qu'elles ont l'air de t'absorber, ces lettres. Elles sont surtout poignantes. La femme qui les a écrites n'a pas eu un destin ordinaire et j'aimerais beaucoup la rencontrer. N'ouvre pas la boîte de Pandore, tilleul, parce que cette fois je ne ramasserai pas les morceaux. Au sujet de Pandore, je n'ignore pas que tu appelais Henri. Il t'en a parlé. Non, mais je le sais. Ne m'en veux pas, tilleul. Tu m'as vraiment fait flipper. Je ne t'en veux pas, bien au contraire. Tu vas aller la voir, la femme des lettres? Oui. Pourquoi? Tu m'as dit toi-même que l'enquête est bouclée. De façon insatisfaisante, mais oui, hélas, elle est bouclée. Cependant, rien n'interdit d'y mettre un point final. Que veux-tu faire de plus? Rendre un dernier hommage à Marie. Ne crois-tu pas qu'elle le mérite? Sans doute, mais fais bien gaffe de ne pas te faire mal, mon tilleul. Tu sais, je ne suis pas très bonne pour jouer les infirmières. Je trouve que tu te sous-estimes. Tu es exactement ce qui me convient. Je t'aime. Ah non, c'est trop commun. Prouve-le, plutôt.